Annexe 2. Les consonnes finales. Généralement, on ne prononce pas les consonnes finales écrites. Le dernier son entendu est un son vocalique. Un billet. La maison. Les cheveux. Beaucoup. Mais. N'oubliez pas, le mot singulier et le mot pluriel ont la même prononciation. Livre. Livre. Beau. Beau. Dans les conjugaisons, on ne prononce pas les consonnes finales des terminaisons. Tu chantes. Il danse. Je sais. On fait. Tu veux. Elle prend. On ne prononce pas le R des infinitifs en ER. Préparer. Manger. Quelques consonnes finales sont parfois prononcées. C, F, L, R, S. Par exemple, avec, chef, mal, par, bus. Les dictionnaires indiquent la prononciation des mots.